Quand hier, je t'ai croisé dans la rue. Ta tête blonde dans son écrin de fourrure m'a fait rêver de toi toute nue. Quand hier, toi tu m'as regardé. J'ai lu dans le clair de tes yeux qu'on ferait notre vie à deux. Même si on est marié, moi je suis amoureux de toi. Même si on est marié, moi je veux t'épouser. Et aujourd'hui, que les enfants nous ont quittés, qu'est venue pour nos deux corps la saison des folles libertés. Et aujourd'hui, qu'on nous dit consommer des pensées. Moi je n'ai qu'une seule envie, c'est celle de t'aimer. Même si on est marié, moi je suis amoureux de toi. Même si on est marié, moi je veux t'épouser. Encore une fois. Mais demain, que restera-t-il de tout cela? Ta main dans ma main, et cette chaleur sous les draps. Mais demain, est-ce que tu seras toujours là? Faire vivre encore en moi cette idée qu'on s'épousera.